Est-ce que tu veux... J'étais tout seul, alors je pouvais voter, mais je peux plus voter, là. Je ne peux plus voter, puisqu'on est en démocratie. Est-ce que vous voulez voter ? Ah, là, il faut voter. Carmen, est-ce que tu veux voter ? Voter Carmen. Tant pis, hein. Ça va être complètement faux si on vote pas. Do you want to vote or not? Do you understand the concept of Ninbot? Carmen, Cobra, David Drum, Tevo, Kashi. Non, vous ne devez pas connaître le concept pour voter. C'est dommage. Faudrait que je parle en quelle langue? T'en fais voir, c'est quoi vos langues? Do you understand English language or... Je sais pas, je vais voir qui c'est qui. Attends, bougez pas, je vais voir si je peux trouver quelqu'un. Attends. Ninbot. Voilà, Ninbot. Vous êtes de quelle origine alors? Espagne, Espagne, Russe, Australie, Finlande. Je vais parler en espagnol. Espagnol. Ok. Google Translate. Alors, est-ce que vous pouvez voter pour changer le BPI ?